Chapitre 8. Un petit jeu de société. L'automobile, sœur jumelle de celle qui attendait Shane dans le garage de Punchbowl, avançait vaillamment sur la route du désert. Pendant un moment, le détective et Bob Eden gardèrent le silence. Les rayons de soleil perdaient de leur ardeur. Les ombres projetées par les arbres espacés s'allongeaient sur l'étendue grise. Les montagnes se nuançaient de pourpre et le vent commençait à se lever. Charlie, demanda Bob. « Que pensez-vous de ce pays ?»« Je suis heureux de l'avoir vu. Je soupire toujours après du nouveau. Cette fois, je suis bien servi. »« Cette contrée ne rappelle en rien vos îles hawaïennes. »« Ah non, les îles hawaïennes reposent sur la mer comme un groupe des perles des Philimores sur un sein palpitant. »« Oahu est une petite île au climat très humide, où la pluie est comme du soleil liquide. »« Là, de l'océan, monte une vapeur moite. » Ici, l'air est sec, comme un journal de l'an dernier. Il paraît qu'on s'attache à ce pays avec un peu de bonne volonté. Je réserve ma bonne volonté pour d'autres climats. Je le quitterai volontiers, ce désert. Moi aussi. Qu'allons-nous faire maintenant? Observer et attendre, ce sont des occupations qui ne sourient pas au jour de votre âge. Mais dites-vous que je ne suis guère plus heureux. Faire la cuisine pendant mes vacances n'a rien d'extrêmement agréable. « Je patienterai comme vous, Charlie. »« Bon, les problèmes que nous avons à démêler présentent un vif intérêt. »« Mais quelle différence avec la plupart des affaires criminelles ?»« Un fait brille comme la neige sur le sommet de ces lointaines montagnes. »« Au ranch de Madden, un inconnu a été tué une des dernières nuits. »« Qui était cette victime ? Pourquoi l'a-t-on assassinée ? Qui a commis le meurtre ? Voilà les trois petits problèmes qui nous restent à résoudre. » Et sur quoi repose votre accusation? Sur le cri d'un perroquet pendant la nuit, sur la mort brusque de ce pauvre oiseau, sur le trou d'une balle dissimulée derrière un tableau, sur la disparition d'un vieux revolver enlevé d'un mur poussiéreux. L'honneur n'en sera que plus grand si nous aboutissons à un résultat avec d'aussi maigres preuves. Madden est-il au courant des faits ou le rusé Thorne agit-il pour son propre compte? Question importante dont nous connaîtrons peut-être la réponse en temps voulu. En attendant, mieux vaut tenir Madden à distance. J'espère que vous ne lui avez pas encore parlé de San Francisco, de Shaki Filmdorf et de son étrange attitude. Non, Charlie, mais ne serait-il pas préférable de le mettre en garde maintenant que Midorf se trouve à Eldorado? Pourquoi? Les perles ne courent aucun danger. Vous avez promis de m'honorer de votre confiance et de suivre mes conseils, n'est-ce pas? C'est exact, Charlie. Alors, encore un peu de oumali-mali envers Eden. En agissant autrement, vous risqueriez de tout perdre. Si vous avertissez Madden de la présence de Médorf ici, il vous demandera de lui remettre les perles à New York. Nous partirons et le ranch gardera à jamais son mystère. » Dans l'obscurité grandissante, ils passèrent devant le petit bureau de Dead City. « À propos, dit Bob, ce crime que vous soupçonnez pourrait bien avoir eu lieu mercredi soir. »« Pourquoi mercredi soir ?» Brièvement, Bob Eden raconta la visite de Paula Wendell au ranch, l'émotion visible de Thorne, son obstination à ne pas l'admettre auprès de Madden, et le petit prospecteur à barbe noire que la jeune fille aperçut à la porte. Shane écoutait sans perdre un mot. « Voilà du nouveau, il faut retrouver ce type à barbe noire. Un rat du désert sans doute. Cette jeune personne sait-elle garder un secret ?»« Certainement. »« Soyez-en moins certains. Nous regretterons peut-être d'avoir trop parlé. » Cependant, priez-la d'ouvrir l'œil et d'essayer de retrouver la trace de son rat barbu. Ils approchaient de la petite oasis aménagée par Madden sur ce sol stérile. « Entrez, dit Shane, et soyez aussi innocent que l'agneau qui vient de naître. Lorsque vous converserez au téléphone avec votre père, vous le trouverez averti de ce qui se passe. Je lui ai envoyé un télégramme. Ah, bah, moi aussi, je lui en ai même adressé deux. Ainsi, le voilà bien préparé. » Je me suis permis de rappeler à M. Eden qu'au téléphone le message peut être entendu par d'autres que celui qui répond à l'appareil. Vous pensez à tout, Charlie. La grille était ouverte et Charlie fit tourner la voiture dans la cour. Allons, il faut maintenant que je songe à la préparation du dîner, soupira-t-il. Quand nous nous trouverons seuls, soyons prudents. Au revoir et bonne chance. Dans la grande salle, Madden, assis au bureau, signait son courrier. Un feu flambait gaiement dans l'immense cheminée. À l'entrée de Bob, le millionnaire leva la tête. « Bonjour, avez-vous passé un agréable après-midi ?»« Oui, merci, répondit le jeune homme. « Vous de même, j'espère. » « Pas du tout. Les affaires me poursuivent jusqu'ici, et depuis 3 jours, ma correspondance s'est accumulée. « Tenez, Martin, » dit-il à son secrétaire, « vous avez juste le temps de mettre ces lettres à la poste avant le dîner. Expédiez également ces télégrammes. Prenez la petite voiture. Elle roule mieux sur ces routes. » Thorne prit les lettres, les plia et les glissa dans les enveloppes. Madeleine se leva, s'étira et vint près du feu. « Ah, Kim vous a ramené ?» demanda-t-il à Bob. « Sait-il bien conduire ?»« À la perfection. Un garçon extraordinaire, ce Hakim. Il m'a dit qu'il avait conduit une camionnette à Los Angeles. C'est tout ce que j'ai pu en tirer. Pas bavard, hein ? Aussi laconique qu'un homme de loi du Massachusetts. » Madeleine éclata de rire. « À propos, » fit-il au moment où Thorne quittait la pièce, « votre père n'a pas téléphoné. Ah, en ce cas, il ne rentrera sans doute que dans la soirée. J'essaierai de lui parler après le dîner, si vous le désirez. Je veux bien. Je ne voudrais pas manquer aux lois de l'hospitalité, mais je souhaite partir d'ici au plus vite. Comptez sur moi pour hâter l'affaire. » Le jeune homme se sentit un peu honteux de sa duplicité. « Je vais faire une petite sieste avant le dîner, » ajouta le millionnaire. « Cela permet de mieux digérer, paraît-il. À votre âge, on s'inquiète peu de ces précautions. Vous êtes jeune, je vous envie. » Madeleine sortit, laissant Bob Eden absorbé dans la lecture d'un journal de Los Angeles acheté à Eldorado. Hakim, sans bruit, mettait le couvert pour le dîner. Une heure après, Bob se retrouva en compagnie de Madeleine et de Thorne devant les mets exquis préparés par le Chinois. La cuisine de Hakim différait très sensiblement de celle conservée dans un certain restaurant, mais la société de ce restaurant eut mieux fait l'affaire de Bob Eden. Quand le serviteur apporta le café, Madeleine demanda au Chinois d'allumer du feu dans le patio. Hakim obéit, et le regard de Madeleine se tourna vers Eden. Celui-ci sourit et se leva. « J'y songe. Père doit être rentré après sa fatigante journée de golf. Je vais l'appeler au téléphone. »« Laissez, » s'écria Madeleine. « Je demanderai moi-même la communication. Le numéro, s'il vous plaît. Si j'ai bonne mémoire, vous m'avez dit hier soir que certains faits survenus à San Francisco avaient mis votre père en défiance. Je vous serai reconnaissant de m'en instruire. » Bob Eden répondit vivement. « Oh, des histoires à dormir debout. Je crois que papa s'est laissé bourrer le crâne par un détective. » « Un détective ? Quel détective ?»« Je l'ignore. Père est en relation avec plusieurs agences de police privées. On lui aura sans doute appris qu'un fameux escroc, nouvellement débarqué dans notre ville, témoigne d'un vif intérêt pour notre magasin. Au fond, l'histoire a peut-être été forgée de toutes pièces, dans l'imagination d'un policier un peu trop zélé. » « Un fameux escroc ? Qui ça ?» Bob, inaccoutumé au mensonge, hésita. « Je ne me souviens pas de son nom. Un Anglais, je crois. Le gosse de Liverpool, ou quelque chose dans ce goût-là. » « Eh bien, il y a eu des racontars au sujet de ces perles. » « S'il y a eu des racontars au sujet de ces perles, sachez qu'ils viennent de votre côté. Ma fille, Thorne et moi, avons observé la plus grande discrétion. Toutefois, je pense que cette histoire a été, comme vous dites, imaginée de toutes pièces. Très probablement. Sortons un peu, voulez-vous ? » proposa Madeleine. Par la porte vitrée, ils passèrent dans le patio où ronflait un grand feu. La flamme jetait des lueurs rouges sur les dalles de pierre et sur les fauteuils d'osier. « Asseyez-vous, » dit Madeleine. « Un cigare ? Non, vous préférez vos cigarettes. J'aime à me reposer dans ce patio. Il y fait un peu frais, mais on y sent le désert si proche. Avez-vous remarqué comme les étoiles sont blanches dans ce pays ?» Eden le regarda, tout surpris que le millionnaire l'eût remarqué. À l'intérieur, Thorne faisait marcher la TSF, une horrible mixture de bavardage, de solides violons, de discours et de conseils sur la beauté et la santé parvenaient jusqu'au patio. Bientôt, se fit entendre une voix aiguë de femme prêchant le repentir. « Donnez le poste de Denver, Thorne !» cria Eden. « Je sais, patron. S'il me faut écouter ce sacré appareil, je veux entendre quelque chose qui vienne de très loin, par-delà les monts et les plaines. » Tout à coup, une musique de danse éclata joyeusement. « Voilà l'orchestre du Brown Palace. À Denver, ma fille danse peut-être au son de cette musique. Pauvre enfant, elle doit se demander ce que je deviens. Elle m'attend depuis 2 jours. Thorne !» Le secrétaire apparut à la porte. « Rappelez-moi le télégramme que je dois envoyer à Evelyne demain matin. »« Bien, monsieur. » Et le jazz joue toujours. Nous l'entendons de Denver, par-delà les montagnes rocheuses. L'homme devient trop habile. Il court à sa perte. Je vieillis sans doute. Je regrette le bon vieux temps, alors que j'étais gamin dans la ferme, les matins d'hiver, et la petite école, au milieu de la vallée. Je rêvais d'un traîneau, mais les privations, c'est cela qui fait les hommes. Ils écoutèrent en silence. Bientôt, un stupide bavardage remplaça la musique et provoqua la mauvaise humeur du millionnaire. L'appareil se tut. Madeleine, ennuyée, s'agitait dans son fauteuil. « Nous ne pouvons jouer au bridge à trois, si nous faisions une partie de poker pour passer le temps. »« Bonne idée, » répondit Eden. « Je crains seulement que vous ne jouiez trop gros pour moi. »« Ne vous alarmez pas, nous limiterons nos mises. » Ils revinrent dans la grande salle, fermèrent les portes et s'assirent autour d'une table ronde, brillamment éclairée. « Ouverture au valet. »« Bien, » répliqua Eden avec quelque hésitation. Il avait de bonnes raisons d'hésiter, car aussitôt, le jeu prit une tournure à laquelle il n'était point préparé. Les parties de cartes jouées au collège et dans les cercles de journalistes à San Francisco n'étaient que jeux d'enfants en comparaison de celles-ci. Madeleine n'était plus l'homme qui remarquait la blancheur des étoiles. Il s'intéressait plutôt à la couleur des jetons, rouge, blanc ou bleu, et les caressait amoureusement. C'était Madeleine le spéculateur, celui qui pariait sur les chemins de fer, les forges, les fortunes des petites nations, et qui, après avoir spéculé tout le jour à Wall Street, venait la nuit tenter sa chance à la roulette de la 40e rue. « Trois as. Et vous, Eden ?»« Rien de rien. Je donnerai tout mon jeu pour un vieux timbre. »« Martin, à vous la main, » dit Madeleine. Soudain, on frappa à la porte. Un coup fort et distinct. Bob Eden sentit son cœur se glacer. Une voix sortit de l'obscurité du dehors. Une voix qui demandait à entrer. « Qui cela peut-il être ?» dit Madeleine, le sourcil froncé. « La police, » suggéra Eden. « Le tripot est découvert. » Au fond de lui-même, il n'espérait pas cette chance. Thorne distribuait les cartes et Madeleine en personne ouvrit la porte. De sa place, Eden vit l'homme qui, sur le fond noir du désert, se détachait en pleine lumière. Un individu en par-dessus et qu'il avait déjà rencontré sur le quai de San Francisco et plus récemment, à la porte de l'hôtel du désert, Shaky Will Medorf en personne, sans lunettes sombres cette fois. « Bonsoir, » dit Medorf, d'une voix grêle et froide. « C'est ici le ranch de Monsieur Madeleine ?»« Je suis Madeleine. Que puis-je pour vous ?»« Je cherche un de mes amis, votre secrétaire, Martin Thorne. » Thorne se leva et approcha de Medorf. « Bonsoir, » fit-il sans empressement. « Vous vous souvenez certainement de moi, » dit le nouveau venu. « McCullung, Henry McCullung. J'ai fait votre connaissance à New York à un dîner l'année dernière. »« Oui, oui, » répondit Thorne. « Entrez donc. Voici Monsieur Madeleine. »« Très honoré, » fit Shaky Phil. « Et Monsieur Eden, de San Francisco. » Eden se leva et se trouva en face de Shaky Phil Medorf. Le bandit dévisagea longuement le jeune homme. Se doutait-il que sa présence sur le quai n'était point passée inaperçue? En ce cas, il possédait un sang-froid étonnant. « Enchanté de faire votre connaissance, Monsieur Eden. »« Moi de même, Monsieur McCullum. » Medorf se tourna de nouveau vers Madeleine. « J'espère que je ne vous dérange pas, » remarqua-t-il avec un léger sourire. « Je suis pensionnaire du docteur Whitcombe, chez qui je soigne ma bronchite. Il n'y a aucune distraction dans ce pays. » Et quand j'ai appris que M. Thorne se trouvait dans le voisinage, je n'ai pu résister à la tentation de venir lui serrer la main. « Vous avez bien fait, » répondit froidement le millionnaire. « Je ne veux point interrompre votre partie. Accepteriez-vous un quatrième joueur ?»« Enlevez votre manteau, » fit Madeleine sans amélité, « et asseyez-vous. Martin, donnez des jetons à monsieur. » « Enfin, je revis, » s'écria le nouveau venu, heureux de cette invitation. « Comment cela va-t-il, mon vieux Thorne, depuis que nous ne nous sommes vus ?» D'un ton bref, le secrétaire fit entendre qu'il allait assez bien, et le jeu reprit de plus belle. Si Bob Eden s'était plaint de ne pas encore avoir rencontré l'aventure, à présent, il était bien servi. Il jouait au poker avec chaque effile et vivait des instants d'une émotion intense. Avant l'arrivée de ce brigand, la partie avait été rude et brutale. Maintenant, c'était une lutte à mort. Médorf déployait un vrai génie. Les cartes appuyées contre sa poitrine, le visage comme sculpté dans la pierre, il se battait contre Madden. Le millionnaire jouait avec décision, mais il se rendait compte de la force de son adversaire et se tenait sur ses gardes. Thorn et le jeune Eden suivaient à la remorque, semblables à des unités non combattantes englobées dans une bataille de géants. Bientôt, Hakim entra, les bras chargés de bûches. Si l'étonnant spectacle qui s'offrit à ses regards le surprit, il n'en laissa rien paraître. Madden lui ordonna d'apporter les cocktails, et pendant que le Chinois posait les verres sur la table, Bob Eden remarqua avec un secret frisson que l'estomac du détective se trouvait seulement à quelques centimètres des mains longues et habiles de chaque effile. Si le redoutable Médorf s'en était douté. Mais le Forban songeait à une toute autre chose qu'aux perles de Philimore. « Une carte ? » demanda-t-il. La sonnerie du téléphone retentit dans la pièce. Le cœur de Bob faillit lui manquer. Il n'y pensait plus après cette longue attente, et maintenant il devait parler à son père en présence de Shaky Phil Médorf. Il sentit le regard de Madden fixé sur lui et se leva. « C'est sans doute pour moi, » fit-il en lançant d'un geste détaché ses cartes sur la table. Il traversa la salle et décrocha le récepteur. « Allô ? Allô ? C'est toi, papa ?»« Main pleine. Tout ça pour moi ?» fit Médorf. Madden abattit ses cartes sans regarder celles de son adversaire, et Shaky Phil ramassa le jeu. « Oui, c'est Bob, » disait Eden. « Je suis bien arrivé. Je demeure chez M. Madden pendant quelques jours. Je voulais tout simplement te faire savoir où je suis. Puis-je téléphoner demain matin ? Tu as passé une bonne journée au golf ? Pas de chance. Au revoir. » Madden, le visage enflammé, bondit de sa chaise. « Un instant » cria-t-il. « Je voulais seulement dire à mon père où je me trouvais, » dit Bob d'un air détaché en se rasseyant. « À qui la donne ?» Madden étouffa un juron et la partie continua. Bob Eden jubilait intérieurement. Un nouveau retard et il avait eu l'air de n'y être pour rien. P.J. Madden était joué. Sa troisième pile de jetons disparaissant à vue d'œil, Bob songea avec une certaine appréhension que la nuit venait seulement de commencer. « Encore une partie et je quitte le jeu, » annonça-t-il d'une voix énergique. « Encore une partie et nous lâchons tous, » rugit Madden. « Qu'elle soit bonne, si c'est la dernière, » fit Médorf. Le hasard voulut que la partie se terminât sur une lutte entre Médorf et Bob Eden. Le jeune homme, oubliant que c'était Médorf qui donnait les cartes, paria très fort et quand il abaissa son jeu, il vit un sourire diabolique sur le visage de son adversaire. « Quatre reines !» annonça Médorf, étalant ses cartes d'un geste habile. « Les dames me portent toujours bonheur. Payez-moi, monsieur !» Ils s'exécutèrent. À contre-cœur, Bob remit à Médorf 47 dollars, mais il se consola en pensant que ce serait la princesse qui paierait. « J'ai passé une agréable soirée, » remarqua Médorf, plein de bonne humeur, « et pour cause !» « Si vous le permettez, je reviendrai. »« Bonsoir, » fit sèchement Madden. Thorn prit une lampe de poche qui se trouvait sur le bureau. « Voulez-vous que je vous accompagne jusqu'à la grille ?» Bob Eden sourit. Une lampe électrique, et la lune brillait au ciel. « Vous êtes bien aimable, » répondit Médorf. « Bonne nuit, messieurs, et merci. » Et il suivit le secrétaire. Madden choisit un cigare et en mordit le bout avec rage. « Eh bien » s'écria-t-il. « Eh bien !» répéta tranquillement Eden. « Vous voilà bien avancé avec votre père. » Le jeune homme sourit. « Qu'attendiez-vous donc de moi, que je dévoile toute l'affaire devant cet oiseau ?»« Non, mais vous n'auriez pas dû raccrocher si vite. J'aurais pris la communication dans une autre pièce. Maintenant, redemandez votre père à l'appareil. » « Je n'en ferai rien. » « Il est couché et je ne le dérangerai pas avant demain matin. » Le visage de Madden se congestionna. « J'insiste, mes ordres sont généralement exécutés. »« Vraiment ? Celui-ci fera exception à la règle, voilà tout. » Le millionnaire regarda Eden dans les yeux. Espèce de jeune, de jeune. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Si vous attirez toutes sortes d'étrangers au ranch, supportez-en les conséquences. Qui attire ici des étrangers ? Interrogea Madeleine. Je n'ai pas invité cet idiot. Où Thorn a-t-il bien pu le dénicher ? Vous savez, le secrétaire d'un homme comme moi est constamment harcelé par une bande d'aigrefins et de mendigots. Et parfois, Thorn est trop bon. Le secrétaire rentra et posa la lampe électrique sur le bureau. Son patron le considéra avec colère. « Votre camarade a bien gâté les choses, » observa-t-il. « Excusez-moi, mais je ne pouvais pas le laisser à la porte. Vous avez vu comme il s'est imposé ? Pourquoi fréquentez-vous de pareils individus ? À propos, qui est-il ? Un courtier, ce me semble. Je vous assure, monsieur, que je ne l'ai pas encouragé à venir. Bien. Demain, vous lui direz que je suis occupé, que je ne veux point de visiteur ici, et que s'il remet les pieds chez moi, je le flanquerai moi-même à la porte. Bien, je lui ferai la commission, mais en termes plus diplomatiques. Au diable la diplomatie avec un type pareil. Messieurs, je vais me coucher, dit Bob. Bonne nuit, fit Madeleine. Et le jeune homme sortit. Dans sa chambre à coucher, il trouva Hakim en train d'allumer le feu. Soigneusement, il referma la porte derrière lui. Charlie, je viens de jouer une fameuse partie de poker. Je l'ai bien vu. Chez qui Phil Medorf m'a délesté de 47 $. Humblement, je vous conseille la prudence. Humblement, je vous donne raison, dit Eden en riant. Je pensais que vous étiez dehors lorsque Thorn et notre vieille connaissance alertent à la grille. J'ai été dans la cour, en effet, mais la lumière de la lune m'empêcha d'approcher. Shan, je puis maintenant affirmer que Madeleine ne connaissait pas Shaki Phil Medorf, ou c'est un vieux comédien. Quant à Thorn, oh, celui-là, il le connaît, mais il n'était guère enchanté de sa visite. Son attitude me laisse soupçonner que Medorf le tient, d'une façon ou d'une autre. C'est possible. Désirez-vous apprendre ma dernière découverte ? Encore du nouveau ? Ce soir, pendant que Thorn se rendait en ville, dans la petite auto, je me livrai à une petite perquisition dans sa chambre. Et alors ? Vite, on pourrait nous interrompre. Au fond de son armoire, sous une pile de chemises blanches, devinez ce que j'ai trouvé. Le revolver de Bill Hart, enlevé à la collection, et deux compartiments de ce revolver étaient vides. Réfléchissez-y. Deux balles manquent. Nous savons où est l'une d'elles. Elle est allée frapper maladroitement le mur, à l'endroit que recouvre la gravure du désert. « Et l'autre ?» demanda Bob. « L'autre a touché son but. Mais lequel ? Observons et attendons. Bonne nuit, et que le sommeil vous apporte de beaux rêves. Je vous le souhaite humblement. »